Chaque move est pensé pour qu'on s'écarte de là. J'voyage plus assez à chaque putain de barre de hache. T'en as pas marre de toi, j'marche dans des marres de toi. Chaque fois que tu l'ouvres, ça ne me marque pas. Ferme ta chatte, Lady Marmelade. J'ai plus de sortilèges que toi dans l'arsenal. Oui, brique ma bite comme un artefact, ma biche. Le prix de ta vie, ça fait 5 le bas. Prix, j'ai vis-à-vis sur l'enfer. J'vis ma vie sans m'en faire. Check la suite, c'est l'Eden. Si, si, si, si, sans la Belvédère. Dans la gloire ou l'échec. 6-6-6-6, 0 sur l'échec. Snitch à la langue, pendu nique ta maman. Mise à l'amende, enculé, j'suis à l'avant. Suis la cadence, fuis la carence. J'suis d'apparence clean, si tu vois que le dream ça m'arrange. Mais tous les jours en vadrouillé, pour les souffles au magouillé. On démarre tous en bas dans la merde, faut se dépatouiller. Chimie dans mon verre, j'ai déjà touillé. Ils menacent de mort, ils m'ont chatouillé. Si j'te regarde dans les yeux, j'sais que tu vas mouiller. Lâchez-moi les couilles, on m'a déjà fouillé. J'en parle à vie ta mère, tu vas pas fouiller. Continuez à rouiller, tous les jours à genouiller. Le vent qui gargouille, méga souillé, j'vais tout niquer. Jam jam boulidex, ta tête tourniquet, pom pom. Calme-toi, pas quoi, j'vous libère. Pas toi, pussy S, non, non. Reste pas pussy R, laisse-moi solitaire. J'suis habitué, j'sais pas simulé. J'prépare le rituel, j't'ai dans le visuel. J'vais trente virtuel, gang gang gang gang. Ils écoutent le JT mais veulent pas croire à la magie. Enfant agité, bricoman m'a pas assagi. J'entasse les feuillets, je traite le mal à la racine. Je fais mon pain seul, je vais les rouler dans la farine. Putain j'ai de l'humour, encore aujourd'hui c'est trop bien. Je fais ça pour l'amour, le turn up et puis les copains. Je suis gentil comme tout, je fais même pas tourner les potins. Je suis gentil comme tout mais c'est pas les anniversaires, tu m'as pris pour qui salope. Allez va niquer ta mère, tu connais pas ma vie. Non, théorème de Pythagore, 20 euros de l'heure. Pour mettre à niveau les gosses qui fumaient déjà du shit. Aujourd'hui c'est 8000 euros 20 minutes. Quoi, comment ça c'est trop, qu'est-ce que t'insinues hein. C'est toi qui les mérites, pétasse envie. C'est la renveilleuse, regarde-moi dans les yeux, je suis la voix des dieux. What, what, what? Je suis la délieux de ce milieu. Je veux m'humilier comme les piliers avec humilité. J'ai fils de pute de flow, t'as l'humilité. T'es qu'un fils de pute de trop sans utilité. J'ai peur sur la comète, t'as qu'une petite idée. Je refuse les sponsors, t'as que la nudité. Je peux faire ça des heures, mais tu vas te suicider. D'ailleurs, on va t'oublier, je vais ressusciter. Bonjour à tous, t'es sur la batte. Je paierai que des dingueries, ça les rassure de penser que je suis à battre. Tout petit, je me branlais sur la cote. Aujourd'hui encore, sur le plateau, je me branle sur la cote. VA est brodé sur la cape. Mes doutes sur la table, mes couilles sur la table. Fuck être un oiseau dans le trap, une perruche dans le frap. Fuck être un putain de macaque. En tout niqué, pas besoin de sous-titrer. Jam jam moulinex, ta tête tourniquet, pom pom. Calme-toi, pas quoi, j'vous libère. Pas toi, pussy S, non, non. Reste pas pussy R, laisse-moi solitaire. J'suis habitué, j'sais pas simulé. J'prépare le rituel, j't'ai dans le visuel. J'vais trente virtuel, gang gang gang. Ils écoutent le JT mais veulent pas croire à la magie. Étant ton briquet, je vois d'ici que chez Dame s'agite. Besoin d'un conseil, j'appelle direct Chakatali. J'hésite pour la game entre Zin ou bien Akali. Parlez pas de pain, parlez pas de pute, je veux boire toutes les mains. Parlez pas de singe, parlez pas de tchut. Parlez pas des pavés sous la place des pravés gravier. Transforme tes vacances de golf en club de drogue, j'ai gravé. Tapis pas la piste sur le bord du fairway. Tiens, goûte à la tease, rien qui m'attriste, plus rien qui m'effraie. On te fout à l'asile, on te lapide après. Je fais du devin si on coupe dans la scie, t'es babine avec. J'arrive comme une étincelle dans la poudrière. Trop cité à sec, j'en ai tout l'hiver. Je fais disparaître les corps, appelle-moi Houdini. Parle pas ton haleine à le goût d'hier. Moins y'aura d'amis, plus y'aura des tonnes. Moins on se fera la bise, moins y'aura des corps, moins y'aura des connes. Moins y'aura les cops, moins y'aura les porcs. Plus y'aura de coffres, moins y'aura de potes, plus y'aura de com'.